Ah, attends, j'ai... Merde. Caillou, excuse-moi. J'avais pas lu ce que tu marquais. Non, mais j'ai compris comment ça marche, mais c'est vrai que je pétais ma petite chanson, quoi. Tiens, d'ailleurs, non, je ne boirai pas du Bordeaux à midi. Je boirai du Côte-du-Rhône, mais j'aime bien le Bordeaux. Ouais, j'ai excuse, désolé, Caillou. La prochaine fois, je ferai gaffe. Je vous souhaite une très bonne journée. À toi, Caillou, en premier, d'abord. Klaus, il est parti, c'est dommage. Ah, s'il est là, Klaus. Klaus, if you understand my bad English, for Christmas, I buy Black Star Amps HD1. And I like, the sound is great. It's a small, very small amps for play in your room. 1 watt. It's very small, but very, very good sound. You could play with a overdrive canal and clean canal. See you later. Bye. Ouais, je m'en vais, moi. Isabelle, à bientôt. Bon appétit. Je boirai un verre à ta santé. Ah oui, c'est vrai que t'es sur Facebook, Klaus. Bon, Isa, t'es pas sur Facebook, toi. Tiens, je te file mon adresse. Enfin, tu tapes ça, là. Pour ceux qui veulent discuter avec moi ou non,